Ninguna falsa, no fuise de grome, con puña no taita, no fuise valime, alba ni el triqui, se mame y chare, y stame si es que chiqui, y el dolor no era de eso. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Allo Est, un nouveau un peu particulier puisque bon, j'interviens un peu au début pour introduire, mais en fait il a été enregistré en Pologne par Marta qui a interviewé Bulbulator. Que l'interview vous allez trouver en deux parties. Aujourd'hui c'est la partie 1. Et ben voilà, hein, je vous laisse avec Marta qu'on a interviewé avec Souris il y a quelques mois. Et les membres de Bulbulators. Racontez-nous l'histoire de la création de votre groupe. Quand et comment avez-vous commencé à jouer ensemble? Jak i kiedy doszło do powstania zespołu? I proszę, przedstawcie się pokrótce. Każdy z osobna. Może. Je suis le guitariste Christophe Lotos-Latosiński. Okay. Cześć, hey, jestem gruby. Je suis gruby. Trzymam bas. Je joue de la basse. Cześć, Artur Latuszyński, Burak, alias guitare. Burak à la guitare. Cześć, Iglak, vocaliste. Iglak, le chanteur. Et salut, moi je suis Kondi, je joue de la batterie depuis 2007. Świetnie, z datą. No to teraz tak w skrócie. W którym roku doszło do powstania Bulbulators? Oficjalnie. Cisza. No mieliście urodziny, więc od... Oficjalnie, no właśnie, bo teraz... ale... Sam pomysł i nazwa w 85 roku, ale z tego nic nie wyszło. Po przeprowadzce do innego miasta, poznaniu nowych ludzi, nowych znajomych. L'idée du groupe est apparue en 85, mais à ce moment-là, rien n'a marché. Kolegami, suite à mon déménagement dans une autre ville, j'ai rencontré de nouveaux gens et l'idée m'est venue. En 85, avec de nouveaux potes, on a créé Bulbulators. Dobra, a jak do tego doszło? Jak się poznaliście mniej więcej? Najpierw. Swój swojego pozna zawsze. Mieszkaliście w tym samym mieście, tak? Iglak i Burak. Tak, tak. Poznaliśmy się, no, nie trudno nas było zauważyć na ulicy. Każdy się ubiera oczywiście kolorowo, także nie trudno było zauważyć i się poznać. No, to siłą rzeczy, z automatu, jak to się mówi. No i jak gdyby... Eh bien, d'une manière ou d'une autre, les gens du même penchant savent se reconnaître. On habitait la même petite ville, on était tous trinqués différemment que les autres gens, et donc c'est pas difficile de se rencontrer. C'est plus ou moins automatique, en fait. On jouait pas tous de la musique encore, mais après quelques essais, quelques discussions, en 89, Piotrek, donc Iglak, ne chantait pas encore avec nous Na à cette wokal, époque, oczywiście tam mais jeszcze dans po drodze były 2014, jakieś tam przygody c'était le batteur qui wokalowe z chantait. innymi ludźmi, próbowali z innymi Et ludźmi, ale c'était comme nic z ça, tego nie wychodziło. peut-être un an ou deux, et Piotrek wrócił puis z bah, le wojska batteur a quitté le i groupe, na on a wokal essayé de jouer avec został quelques wyznaczony, gens, można mais ça ne powiedzieć. marchait pas. Puis I Piotrek est revenu de son nauczył się, séjour się dans mówi, l'armée, no, et uczył się, on l'a nauczył, no i désigné en proszę tant que bardzo, dzisiaj chanteur, mamy, et bah, il a dû mamy, apprendre mamy à chanter. wynik. To w 97 było, jak dołączyłeś? Wiesz co, to było tak, że po prostu pierw Artur swoją małżonką sprowadzili się do mojego miasteczka, niewielkiego, więc łatwo było zauważyć, że jest nowe panki przybyły jakieś, co nie? No jakoś się poznaliśmy gdzieś, no i na początku byłem na tych koncertach pierwszych Bulbulators, na pierwszym nawet. Facile d'identifier les nouveaux punks jako qui fan sont zespołu, apparus tak? à ce moment-là. Nous No sommes i tam rencontrés et jakoś je się suis allé à leur premier kumplowaliśmy, no concert. i wiesz, C'était doszło do un tego événement momentu, jak Artur historique, wspominał, że puisqu'il a fini en basson. wyznaczono mnie na wokalistę, bo nie wiem, dobrze wyglądałem Moi, j'y i suis tyle, allé i en tant que chodź, fan. Nous sommes spróbujesz i devenus nie amis. problem. I jakoś Et tak à un zostało, certain no, moment, kumplowaliśmy ils m'ont się. désigné en tant que Jakoś chanteur zostało. parce Nigdy nie qu'ils miałem m'ont nic dit que wcześniej j'avais un wspólnego ze super look. śpiewaniem, nawet nie Allez, byłem essaye. w żadnym chórku Et szkolnym, les choses ont szkoleniu, commencé comme ça. przygoleniu czasami, Je n'ai tak. jamais rien eu à voir Już avec le chant auparavant, się à goliłem, part peut-être panie, bo to quand był je me rok, rasais. Et który? depuis ce temps-là, nous 97. sommes ensemble. Siódmy, tak, 97. I od tego czasu się trzymamy razem. Kondi, w którym roku? W 2007. W 2007 roku, tak. I jak to się stało, że dołączyłeś do mnie? Tak się stało, że Arturo wtedy miał wyjeżdżać chyba gdzieś do Niemiec do pracy na jakiś czas i miał zastąpić go mój kolega z Tychów, który po prostu powiedział, że jeżeli chcą go na gitarę, to w pakiecie ze mną. J'ai rejoint Bulbulators en że 2007. Bulby wtedy miały Arthur a dû aller problem en z Allemagne gówniarzem, pour bo travailler à cette époque et un pote qui était de Tyré generalnie allait le zamirowana remplacer. postać. Et mon pote a dit s'ils le veulent pour, en tant que guitariste, il peut im nous też było na rejoindre, rękę, mais żeby się à po la prostu seule condition que z nim moi rozstać je sois dans le w lot, tamtym quoi. czasie. À cette époque-là, Bulbulators avait un souci avec leur Tak to batteur się parce que udało, że ja Milek skończyłem się z était tym une personne Darkiem assez troublée et c'était mieux pour do eux en fait składu. bah, le Później się laisser okazało, partir. że Burakowi Donc nic j'ai się nie rejoint le podobało groupe z tą avec pracą Darek Gierek. za granicami Finalement, i le Gierek travail en Allemagne został, n'a pas marché, ale na Arthur, krótko. et A ja już Gierek tak est zostałem resté, mais pas pour longtemps. na Et moi, długo. je suis resté bah, jusqu'à aujourd'hui. Et Grałem w avant, Pils bah, j'ai joué takim avec na Pils, un szóstym groupe de piętrze. Tyré. Ja dołączyłem, jeśli dobrze pamiętam, zaraz jakoś po 2000 roku na początku. Moi, j'ai rejoint le groupe vers 2000, peut-être 2001. J'ai dû apprendre tous les morceaux pour l'album Nie, nie, nie. Et avant, les morceaux de leur premier album. Prawdziwe, jakichś koncertów, życie, nie było nagrań, la nie vie było réelle. Juste koncert, pour les koncertów, concerts. Tak? En premier lieu, pas encore pour les enregistrements. Mon premier concert dwa avec lata temu. Bulbulators, c'était à Szczecin. No i Et à z part une jedną małą petite pause, j'ai przerwą, toujours été tak dans gram do Bulbulators dziś. jusqu'à maintenant. Okej, okay, Lotos, kiedy dołączyłeś? Ja w ogóle znam gitarzystę i założyciela Artura praktycznie od urodzenia, bo jest moim tatą. Moi je connais Arthur, le membre no fondateur du zawsze groupe, byłem pratiquement przy depuis ma otoczeniu naissance. Zespołu, jeździł na próby, Parce koncerty. qu'il est un No peu mon père a dans la vie dołączyłem privée, w genre. 2011 J'étais roku, toujours à côté de w czerwcu Bulbulators, je suis allé les voir répéter, tak jouer en to mniej więcej concert. wyszło. J'ai rejoint A, le rok groupe en wcześniej zacząłem 2011, grać gitarze, mon premier concert no avec jakoś eux, bah, c'était en juin. Zespół Et potrzebował j'ai nowego commencé à jouer de la gitarzysty, guitare no i seulement un an podobał auparavant, quoi. Le groupe avait besoin d'un nouveau guitariste et ils m'ont choisi. No to szybciutko przechodzimy do następnego pytania. Nie, nie, nie, nie! Yeah. Ont-elles changé beaucoup depuis cette époque-là en ce qui concerne votre scène, votre audience, votre manière de faire de la musique, la production de vos disques ou la promotion de votre musique? Czyli czy od tamtego czasu, czyli od powstania zespołu, wiele się zmieniło, jeżeli chodzi o waszą scenę, o scenę punk, o waszą publikę? Wasz sposób tworzenia muzyki, produkcję płyt, promowanie płyt i tak dalej. Kto chciałby coś powiedzieć na ten temat? To nie są pytania moje, tylko od Suri. Zmieniło się bardzo wiele. Zresztą jesteśmy, można powiedzieć, na rynku fonograficznym od ponad 20 lat, tak? Bo pierwszy jakiś tam oficjalny album, czyli Prawdziwe Życie, wyszedł w roku 2000, tak? Tak. Premier jako kaseta jeszcze. Prawdziwe Życie est sorti en 2000 sur une cassette. Pendant ce temps, le label qui a sorti cet album, à savoir Enigmatic Records, s'est arrêté, puis a repris, et ils ont sorti cet album sur vinyle. Donc beaucoup de choses ont changé depuis nos débuts. Aujourd'hui, tout est différent, pas comme il y a 20 ans. A jeśli chodzi o produkcję, czyli właśnie sam proces nagrywania i tak dalej. No wszystko poszło z duchem czasu, no wiesz, świat oui, tout s'est développé avec le temps, le monde change, comme quoi aussi, les choses sont plus professionnelles aujourd'hui. Avant, nos disques démo, ils sortaient avec des pochettes photocopiées, des trucs un peu à l'arrache. Maintenant, on a des pochettes avec du graphisme plus artistique, et puis aussi des studios où on enregistre. Ça a vachement progressé techniquement. pierwsza płyta i un bon exemple, c'est par exemple notre premier album versus notre troisième album. Lorsqu'on était en train d'enregistrer le premier, le réalisateur était endormi sur le sol, complètement joué. Et nous, on enregistrait tout seul. Mais vous pouvez le constater par vous-même, hein, ça reste audible. Puis il y avait du progrès sur les albums suivants. Le second album était un peu meilleur, si on parle de la technique, de la façon d'enregistrer et tout ça. Et le troisième, c'était une percée, un gros progrès, quoi. On a changé de label, on a trouvé un meilleur studio, et la différence est vraiment audible quand vous écoutez Punkophilia. La réalisation du son était meilleure, et l'attitude du réalisateur envers la musique et envers le groupe aussi. W zasadzie też ale... w samym, nie tylko, ale potem jeśli chodzi o wydawcę, czyli w dystrybucji i w takich sprawach już jak gdyby najmniej nas zajmujących, ale jednak, nie, bo to już był tam już... Ouais, la distribution nous intéressait pas beaucoup, c'était plutôt le rôle du label. Les deux premiers albums ont été enregistrés et distribués par nos potes, quoi. Pamiętać o tym, że kurczę, 25 lat temu czy 20 lat temu, tak, wyjazd do studia to był takim nie lada wyjazdem, takim no coś na co się tak czekało. Inaczej, jakby to ująć. Et aussi il faut mentionner le fait qu'il y a 20 ou 25 ans, le voyage au studio pour enregistrer de la musique, c'était un événement, quelque chose d'anticipé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'enregistrer. On peut même enregistrer quelque chose à la maison si c'est nécessaire. Kitchek, par exemple, enregistre des titres à la maison et on peut les envoyer au reste du groupe via Internet instantanément. Avant, il fallait se préparer minutieusement et aller au studio pour enregistrer. Jeszcze chciałem tylko dodać, że wówczas mieliśmy instrumentarium bardzo takie okrojone, że tak powiem. Ouais, je voudrais ajouter qu'à cette époque-là, nos instruments, ils étaient pas de super qualité non plus. J'avais une batterie de la marque Amati. J'aimais pas trop utiliser cette batterie parce que rien qu'au soundcheck, en fait, il y avait déjà des trucs qui se dévissaient, elle partait un peu en latte, quoi. Et on pouvait pas acheter, en fait, des instruments de meilleure qualité, on n'avait pas les moyens, quoi. Donc, après, là, ça a été vraiment un gros progrès, puisque, aujourd'hui, on utilise un équipement vraiment professionnel, quoi. Mais nous n'avons pas acheté ces instruments avec l'argent gagné en jouant du punk rock. Chacun de nous travaille. Jeszcze dodam, że z cyklu kiedyś to było fajniej, że były plusy tego, bo kiedyś wydawca wysyłał nas na tydzień gdzieś do studia. Cette ancienne façon d'enregistrer avait ses avantages. Notre label nous a envoyé à un studio qui était peut-être éloigné de plus de 300 km de notre maison pour une semaine. Nous avons eu un hébergement à l'hôtel, à manger, et c'était un bon moment avec les copains du groupe, sans embrouille, c'était très cool. Aujourd'hui, c'est impensable. Les groupes enregistrent en utilisant leur propre argent, et c'est bien si le label vous donne quelques disques gratuitement et c'est tout. Il n'y avait pas de voyage, le processus était très différent cette fois-ci. Le studio qu'on a choisi était très proche et nous l'avons enregistré en plusieurs fois. Nous avons écrit un ou deux morceaux, nous les avons joués ensemble, puis nous les avons enregistrés dans le studio. Nous nous sommes ensuite concentré sur deux nouveaux morceaux et le processus recommençait. Créer, jouer, enregistrer. Tout pris en compte, il a fallu un an et demi pour enregistrer l'album en entier. Donc c'est très différent. Nous ne l'avons pas enregistré en une semaine. A jeśli chodzi o scenę punkową, jeszcze powiedzcie parę słów o tym, czy ona się zmieniła przez ostatnie 20-25 lat. Sami ludzie, tylko że o wiele starsi. Ce sont toujours les mêmes gens, mais plus âgés. Tu as posé une question dangereuse. On ne veut pas faire du commérage sur d'autres groupes. Obywatel od poniedziałku do piątku, 10 tygodnia spędza tak sobie. nie ukrywać. Mam czy wiesz, bo nie chwilę krótkiej wolności. Lecz zawsze się to kończy utratą świadomości. Alkohol weekend, soboty, niedzielne picie, totalny chaos. Do poniedziałku po świcie. Alkohol weekend, soboty, niedzielne picie, totalny chaos. Na nic nie zważa, nikogo nie słucha. Trudno zatrzymać zarywanego zańcucha. Choć pół tygodnia poranek będzie go duszył. W sobotni wieczór on znowu się skurczy. Pensez-vous de la situation politique et sociale actuelle en Pologne? Les paroles de vos chansons font-elles référence à cette situation? Czyli, jakie macie przemyślenia na temat aktualnej sytuacji społecznej i politycznej w Polsce? Czy poruszacie takie tematy w swoich tekstach? No, poruszamy takie tematy w tekstach, no... Oui, nos paroles parlent de la situation politique et sociale actuelle. Auparavant, c'était la mode d'être apolitique, mais ça n'existe pas en fait. Si vous semblez être apolitique, ça aussi, c'est construit par rapport à la politique. Tu ne peux pas y échapper. La situation est mauvaise depuis quelques années. Notre gouvernement fait tout pour que la Pologne quitte l'Union européenne. C'est pas cool. Ouais, la société polonaise est très très divisée. Il y a vraiment deux camps, quoi. Le camp très conservateur et le camp libertaire. Et c'est très tangible. Les gens commencent à se détester carrément les uns les autres, quoi. C'est plutôt inquiétant. Pour nous, c'est un avantage puisque nous avons de quoi parler dans nos morceaux. No, wiadomo, że jak zaczynaliśmy, nie chcieliśmy być kapelą polityczną, czy śpiewać o polityce, bardziej o sprawach społecznych, być może i innych problemach. Bah, quand on a commencé, on voulait pas spécialement être un groupe ultra politiquement engagé. On voulait pas spécialement parler de la politique, mais plutôt des problèmes sociaux, des trucs dans ce genre-là, quoi. Bah, tu peux pas vraiment t'esquiver complètement, en fait, et faire semblant que ça existe pas. La société est effectivement très divisée, les gens se sont radicalisés dans leurs opinions politiques. Ouais, c'est clair, on a de quoi chanter là. Vraiment, quoi. C'est impossible de passer à côté et de pas mentionner ces problèmes dans les paroles. En fait, ça ferait. Ouais, ça ferait faux, quoi, son message politique. Malheureusement, c'est comme ça, quoi. Le parti au pouvoir est tel qu'il est. Il se peut qu'après l'élection qui va avoir lieu prochainement, ça sera mieux. Mais au début, notre groupe voulait être 0% politique, seulement faire la fête, du rock'n'roll, tout ça. Bah ouais, nous sommes tous issus en fait de la classe ouvrière. Alors nous avons plutôt chanté au début à propos de nos propres problèmes, ceux qu'on connaissait bien, quoi. Et c'était pas super politique. C'était plutôt à propos des problèmes sociaux. Je ne me souviens pas qui était au pouvoir à cette époque-là. Mais bon, les problèmes, au final, c'est les mêmes aujourd'hui. Ja odbieram ten tekst w ten sposób, że nie jest jakąś tam deklaracją czy coś takiego, tylko jest. Moi, je pense que ce morceau n'est pas un slogan, c'est une histoire. Une histoire qui parle de ce qui nous entoure. C'est très très descriptif. Et ce n'est pas une injonction à aller voter pour un tel ou un tel. Peut-être qu'Iglak peut nous en dire un peu plus, parce que lui, il habite à Tchervianka, qui est une petite ville typiquement silésienne, en fait. Mais cette chanson, elle ne parle pas uniquement de la Silésie, on peut observer la même chose partout. Ouais, mais ces paroles, elles parlent de la période où on a fermé les mines de charbon, et une grande partie des gens étaient affectés en Silésie particulièrement. Ils ont été laissés à leur propre sort complètement, quoi. Les temps étaient comme ça. Chociaż mamy jeszcze górnika w składzie. A jestem górnikiem, tak. Oui, je suis là. Mam nadzieję, j'espère plus pour très longtemps. Że już niedługo. Bientôt à retraite, on verra. Może za niedługo będę już emerytem górniczym, ale zobaczymy, no. Alors, voici le morceau Bieda. Tam krzyczy bieda, tam krzyczy bieda. pośród betonowych bloków, czerwonych paliroków. Dzielnic robotniczych przeraźliwie krzyczy. To krzyczy bieda, to krzyczy bieda, to krzyczy bieda. To krzyczy bieda, to krzyczy bieda, to krzyczy bieda. pytanie czwarte i ostatnie. Raconte-nous quelque chose à propos de vos projets actuels, de vos concerts à venir, de vos prochains enregistrements. Czyli opowiedzcie coś o aktualnych projektach, planach na trasy, koncerty, nagrania. Może Lotos, bo mało coś się o aktualnych projektach? Tutaj on pozna. Mam jakieś zalążki nowych numerów. Planujemy. Może nous avons quoi créer quelques nouveaux morceaux. Peut-être que l'année prochaine, on pourra consacrer plus de temps pour ça. Parce qu'on aura, on a moins de concerts pour l'instant prévus. Moi, j'ai un projet à moi aussi à côté, quoi. En fait, c'est de créer un label pour sortir des enregistrements de concerts. Et du coup, je me concentre pas mal sur ça. Mais je pense à travailler plutôt sur des nouveaux morceaux quand même prochainement. Nous sommes à un âge où ça peut pas être impossible bientôt. No cóż, ale jeszcze dodam, że po prostu teraz jesteśmy przed koncertem i jak w czasie nagrywania tego wywiadu i czekamy na swoją kolejkę, gramy aktualnie. Nous sommes à Varsovie au squat Pichotnia. Na skłocie przychodnia. Na skłocie przychodnia, tak. W samym centrum Warszawy. Dobra, czyli są plany na nowe numery. Plany są takie, że planów nie ma. I jeszcze ciekawe. To się plany są po to, żeby się waliły. Żeby się je zmieniać. A jeszcze ciekawy koncert gracie w grudniu, nie? Gdzie? Nie wiem. We Wrocławiu. No, gramy w ciekawym miejscu, w klubie Klasztor. Oui, dans un lieu intéressant. Le club s'appelle Klasztorze się Klasztor. To był kiedyś klasztor. Et situé dans un ancien cloître. L'acoustique est trop bien, la salle est belle et nous allons jouer avec Bruce and Glory. Je pense que c'est pas vraiment excitant pour les Français puisque bah ils ont plusieurs lieux comme ça. Ale jak na Polskę, jest mało. Oui, mais en Pologne, il y en a pas beaucoup de lieux comme ça où on organise on réorganise un bâtiment religieux pour créer un club ou une maison de culture. C'est plutôt une exception ici. Mamy nadzieję, że to się zmieni. Klubów do grania muzyki punk rockowej w ogóle w Polsce się kurczą, kurczą się. I aussi il y a de moins en moins lieux où on peut jouer la musique punk en Pologne en général. Les clubs ferment, alors bon, il y a les squats, mais ils ferment aussi. Le problème, je pense quand même que c'est le même partout, même dans les grandes villes où il n'y a pas de lieu où on peut jouer. To jest najciekawsze. C'est la mafia des promoteurs immobiliers qui est trop puissante. Dobrze, to coś wspomniałeś o Francuzach, a macie francuskich kolegów, tak? Na scenie punk-rockowej we Francji. A no mamy. Charge se son neft, to nasi przyjaciele z Metz. Także pozdrawiamy. Pozdrawienia, tak. Graliście z nimi kilka koncertów. Tak? Ah oui, c'est vrai. Charge 69, nos amis de Metz. Salutations à vous. Nous avons joué quelques concerts ensemble, quelques-uns en Pologne et quelques-uns là-bas, en France. Nous sommes toujours en contact. Nous avons joué deux concerts là-bas, n'est-ce pas? La Wagon też chyba już nie istnieje. Jak to się czyta prawidłowo, Saint-Brion, Saint-Brie. W każdym razie w Brytanii, fois, na północy Francji, to był bardzo znany skład w Francji. A Saint-Brieuc, Bretagne. C'était un squat très connu en France et partout en Europe. Aussi parce que beaucoup de groupes y tournaient et y jouaient. C'était très, très aimable, un lieu très cool. C'est dommage qu'il n'existe plus. Et nous avons joué à Metz, où nous étions invités par le Charge 69. Je pense que c'était en 2015. No dobra, to teraz opowiedzcie parę słów o tych numerach, które dzisiaj usłyszeliśmy. No to o biedzie już opowiedzieliśmy, także gramy biedę. Śmierć wrogom ojczyzny, tak? Czy nie? Śmierć wrogom ojczyzny to jest kawałek o takim Śmierć w ogrom ojczyzny, c'est un morceau sur le mouvement nationaliste qui s'éveille. Il est à propos de ces gars qui détestent tout ce qui est différent. Ale ja myślę, że to nie tylko o tych chłopakach młodych, bo dużo ludzi starszych wiekiem. Mais je pense que ce n'est pas seulement à propos des jeunes, parce que beaucoup de gens qui sont âgés sont tellement conservateurs. Je pense que ce morceau met l'accent sur la société polonaise. En général, les avis et les inclinaisons de la société polonaise se sont déplacés vers la droite. Les gens qui ont été de cette inclinaison auparavant sont toujours à l'extrême droite et ceux qui étaient plutôt au centre sont maintenant plutôt à droite. Ouais, la société s'est radicalisée, quoi. Dobra, to jakie jeszcze numery mamy na tapecie? Co może zagrajmy Fertich. Jest to jedyny kawałek zaśpiewany przez nas po śląsku. W śląskiej godce, czyli języku, który podobno nie istnieje, tak uważa rząd. Maintenant, nous voudrions vous présenter Fertich. C'est le seul morceau qui a été écrit dans la langue silésienne. On dit que cette langue n'existe pas, c'est l'opinion du gouvernement, malgré le fait qu'à l'occasion du dernier recensement, presque 500 000 personnes ont déclaré qu'ils utilisaient cette langue tous les jours. Ouais, faut dire que faut expliquer quoi, que c'est une langue régionale de la minorité silésienne. La minorité silésienne n'est pas reconnue en Pologne, malgré le fait que d'autres minorités qui sont plus petites sont reconnues officiellement. Cette minorité ne l'est pas, même si presque 500 000 personnes se sentent silésiennes. J'espère que ça va changer. Et que dans l'avenir, on aura de l'argent pour préserver et promouvoir notre culture et notre langue. Coś bardziej starszego, czyli bo to są współczesne bardziej numery. Coś może donc, voilà, c'est notre morceau en silésien. Ale początki. D'accord, moi je sélectionne quelque chose d'ancien, on va dire, du début des bubulators. Nie rozumiem tego. jego stąd chciałbym cię jak psa. Dlaczego odjazd tylko chwilę trwa? Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem, nie rozumiem, nie rozumiem tego. Dlaczego łysy służył w KGB? Dlaczego jesteś mądry, a ja nie? Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem, nie rozumiem, nie rozumiem tego. Nie rozumiem, nie rozumiem, nie rozumiem tego. Nie rozumiem, nie rozumiem, nie rozumiem tego. Ale teraz jak to zacząłem w ogóle? Nie, to sprostuj po prostu iglak w tym momencie. Dodaj jedno zdanie, że nie rozumiem. Nie chciałem się wtrącać, ale nie, to sprostuj iglak, nie? To ja może dodam tylko od siebie, jak numer, jak gdyby każdy wybiera numery, wybieram numer z naszych początków, czyli nie rozumiem tego, z tekstem iglaka, muzyka z początków Blublators, można powiedzieć, no nie, to kwintesencja starego Blublators, można powiedzieć, bo dzisiaj muzyka się jednak różni poprzez, dlatego, że... Les paroles ont été écrites par Iglak, ce morceau est très représentatif du style de Blublators, il y a de ça une vingtaine d'années. Depuis cette époque-là, Krzysiek a rejoint le groupe et il compose de la musique aussi. Et si quelqu'un connaît bien notre discographie, la différence, elle est plutôt claire entre ses premiers albums et nos derniers disques. Że chyba też wywołał. Przeszliśmy proces Nous avons beaucoup évolué, en fait, depuis cette époque-là. On a élargi nos horizons avec plus de groupes de styles différents. C'est vrai qu'au début, on écoutait qu'un certain style de groupe. Et puis ensuite, on s'est inspiré d'autres groupes qui ont été créés plus tard. Naturellement, on a commencé du coup à jouer un peu différemment, quoi, à avoir différentes influences. Ouais, puis on a appris à jouer, quoi. Mój wybór to kawałek pod tytułem Sprawiedliwość. Jest to kawałek opowiadający o tym, że tak naprawdę możesz być bogaty, możesz być biedny, możesz być szlachcicem, możesz być kimkolwiek. I tak wszyscy trafiamy do piachu. Taki jest koniec nas wszystkich. C'est une expression polonaise qui veut dire mourir. Ce morceau est cool, les paroles sont très bonnes et c'est pourquoi je l'ai choisi. Merci. Ok, to bardzo dziękuję w imieniu Suri za wywiad i do usłyszenia. Cześć. A ty Krzysiek powiedział jaki numer? Nie, dużo było numerów. Mamy pięć? Tak. Pięć, bo biedy wpletliśmy w ten wywiad, bo tam było gadane o tym, to może tak lecieć, nie? Z marszu. Dobra. Chyba, że ktoś jeszcze chce coś dodać na koniec. Dajcie, to idzie tam poduklejać, myślę. Coś, jakiś komentarz ogólnie? Coś, jakaś wiadomość do publiczności francuskiej? Publiczność francuska... Czekamy na zaproszenie. On attend d'être invité, quoi. On serait super content de faire des concerts en France. No to super, jeszcze raz wielkie... Vive la France! Allez les bleus! No to już fertig. Do usłyszenia. We'll be right back. gąsiarze, którym łatwo przyszło. Są pechowcy, którym nic nie wyszło. Są rządzący i są rządzeni. Choć pierwsi to złodzieje, to drugich nikt nie ceni. Nie oszukasz przeznaczenia, nie myśl, że się uda. Nie odrzekł zbyt wiele i nie licz na cuda. Jedyna sprawiedliwość do piachu pójdą wszyscy. Jedyna sprawiedliwość do piachu pójdą wszyscy. Są podli bogacze i są uczciwieni, czujący statystyki, nikomu nie potrzebni. Uśmiechnięci politycy i zapłakane dzieci. Te drugie czemu winne, ci pierwsi to śmieci. Ślepy wzrost, więc rzadko dzień równo. To mam jest będzie więcej, z pustego naraz trudno. Jedyna sprawiedliwość do piachu pójdą wszyscy. Jedyna sprawiedliwość do piachu pójdą wszyscy. Jedyna sprawiedliwość do piachu.